Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, Dos Passos, un écrivain américain dans la guerre d'Espagne. Dans les années 1920-1930, John Dos Passos, l'auteur de Manhattan Transfer et de la trilogie USA, est considéré avec Ernest Hemingway comme l'un des plus grands écrivains américains. Romancier novateur, Dos Passos est aussi un homme engagé à gauche. Il se bat contre la peine de mort, il se bat pour faire libérer les anarchistes Sacco et Vanzetti. Et lorsqu'en 1936, la guerre civile éclate en Espagne, c'est sans hésiter que cet amoureux de l'Europe apporte son soutien au camp républicain. Mais en 1937, en débarquant à Madrid, Dos Passos va découvrir une réalité inimaginable qui l'amènera politiquement à un revirement total. L'histoire que je vais raconter ce soir parle de littérature et d'engagement, mais aussi d'amitié, de fidélité et de trahison. Fidélité de Dos Passos qui, en Espagne, cherche à faire la lumière sur la disparition étrange de son vieil ami, l'écrivain et traducteur José Robles, sans doute assassiné par les hommes de main de Staline. Trahison d'Ernest Hemingway, autre vieil ami de Dos Passos, mais aussi écrivain rival. L'enjeu de la guerre d'Espagne et la mort de Robles, simple nécessité de temps de guerre aux yeux de Hemingway, mettront un terme à leur amitié. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Alice Béja, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférences en études américaines à Sciences Po Lille et chercheuse au CERAPS CNRS. Vous avez consacré votre thèse à John Dos Passos, une thèse qui est devenue un livre, Des mots pour se battre, John Dos Passos, la littérature et la politique, paru chez Honoré Champion en 2015. Alors John Dos Passos, né en 1896, mort en 1970, c'est un écrivain un peu oublié aujourd'hui. Pourtant, Jean-Paul Sartre avait dit de lui, je le tiens pour le plus grand écrivain de notre temps, c'était en 1938. Quelle place John Dos Passos occupe-t-il dans la littérature aux États-Unis et en France ? Alors, il occupe une place effectivement un peu paradoxale, dans la mesure où, de son temps, il faisait partie des ceux que l'on considérait à l'époque comme les grands écrivains de l'entre-deux-guerres aux États-Unis. Donc, comme vous le disiez, hein, avec Hemingway, avec Fitzgerald, plus tard avec Steinbeck. Et ses œuvres sont un peu tombées dans l'oubli, y compris en France, où il a été très populaire, notamment dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, du fait du soutien d'un certain nombre d'auteurs et d'autrices, dont Jean-Paul Sartre. On pourrait aussi dire que cette phrase de Jean-Paul Sartre que vous avez citée peut aussi avoir signé l'arrêt de mort de Dos Passos auprès d'un certain nombre de personnes qui ne jugeaient pas Sartre comme un critique littéraire tout à fait pertinent. Et donc, il y a plusieurs raisons qui font que ces œuvres sont un peu tombées dans l'oubli. La première a trait à ce dont on va discuter plus tard, à savoir son changement de positionnement politique et son changement de style à la fin des années 30. Hein. C'est quelqu'un qui est proche de la gauche pendant l'entre-deux-guerres et qui va virer à droite à partir de la fin des années 30. Et puis c'est également parce que les œuvres de Dos Passos, donc c'est ce qu'on considère comme ses grandes œuvres, donc notamment Manhattan Transfer qui a été publié en 1925 et la trilogie USA dont les trois tomes sont publiés dans la première partie des années 30. Ces œuvres se caractérisent par un style assez particulier fait de montages, de collages, notamment de chansons, d'articles de journaux, donc de textes non fictionnels, pas forcément toujours écrits par Dos Passos, qui fait que c'est une lecture d'une part assez particulière et d'autre part qui peut apparaître comme historiquement très située. Alice Béja, vous parliez tout à l'heure de Hemingway aussi, de Scott Fitzgerald. Ce qui est important, très important, déterminant même dans l'écriture et dans la pensée politique de Dos Passos, dites-moi si je me trompe, c'est quand même la Première Guerre mondiale. C'est une expérience qui a été décisive. Il appartient à ce qu'on appelle la génération perdue qui a vécu l'expérience de cette guerre terrible et qui survivent et qui en font quelque chose de littéraire. Oui, donc cette expression de génération perdue qui est utilisée par Gertrude Stein, qui est un peu un point d'ancrage de toutes ces jeunes personnes, principalement des jeunes hommes, qui se retrouvent en Europe au début des années 20 après la guerre. Donc Dos Passos, oui, fait l'expérience de la guerre, cela dit, comme beaucoup de ses écrivains, pas en tant que combattant. Hein, il est ambulancier, oui. Exactement. Est-ce qu'il est pacifiste hein, il revient pacifiste? Il explique les raisons pour lui de voir la guerre ne sont pas nécessairement un attrait pour le combat ou pour la chose militaire, mais une sorte de, comment dire, de curiosité de jeunesse et de sentiment aussi de se dire que, entre guillemets, c'est là-bas que ça se passe et donc il faut être au moins témoin. Dos Passos n'a jamais eu, comme Hemingway l'a eu, de fascination pour les combats, pour un côté un petit peu voilà martial, guerrier. Et comment se situe-t-il politiquement, justement, après cette guerre? Qu'est-ce qui définit ses choix politiques dans les années 20-30? Un peu bref. Alors, dans les années 20, il se radicalise progressivement, c'est-à-dire que c'est notamment à travers son engagement à la fin des années 20 dans l'affaire Sacco et Vanzetti, donc ces deux anarchistes italiens qui sont condamnés à mort aux États-Unis, que Dos Passos va véritablement s'engager aux côtés de la gauche de l'époque. Et cet engagement va se poursuivre tout au long de la première moitié des années 30, puisque pour lui, une des réponses entre guillemets au chaos du monde va être dans une forme de solidarité, voilà, de trouver des combats dans lesquels il peut s'engager et de trouver des causes qu'il peut porter à travers son engagement politique, à travers les articles qu'il écrit en tant que journaliste et également à travers des romans. Il est communiste aussi... Est-ce que Dos Passos est communiste? Alors, c'est une question compliquée. Il est proche du Parti communiste à la fin des années 20 et au début des années 30. Donc, comme beaucoup de ces intellectuels et écrivains états-uniens, il ne prendra jamais sa carte au parti. Hein. Le Parti communiste ne compte pas énormément de membres. En vérité, il se sent beaucoup plus proche d'anarchistes comme Sacco et Vanzetti que des communistes, mais il a aussi une vision un petit peu utilitariste de la chose, c'est-à-dire qu'il se dit que à ce moment-là, c'est les communistes qui pèse le plus, et que donc si on veut avoir de l'impact, en gros, il faut se rapprocher d'eux. Merci Alice Béja, on va poursuivre cette discussion, si vous le voulez bien, dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Dos Passos, un écrivain américain dans la guerre d'Espagne, de Taddy McNamara, réalisation Juliette Eman. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Mais où est-il? Je l'ai attendu une heure à l'auberge. Je ne comprends pas. Rosé sait bien qu'on a besoin de lui. Avec notre film, on va forcer l'Amérique à voir contre quoi on se bat ici et à enfin intervenir. Ce projet ne peut que l'intéresser. Calle Fonseca. Heureusement, j'ai gardé cette vieille adresse. Si au moins j'arrive à trouver Margara, elle saura me dire où il est. J'ai l'impression qu'on me suit. J'aurais dû faire attention, j'ai bien vu que je dérangeais avec mes questions. Et c'est bientôt le couvre-feu. Pas question qu'on retrouve mon cadavre flotté dans le port. Calle Fonseca. J'y suis. Il n'y a plus de doute, on me suit. Concierge, ouvrez la porte. Por favor, abre la puerta. Valence, avril 1937. John Dos Passos, homme de lettres et de combat, vient d'arriver en Espagne, ravagé par la guerre civile. Comme d'autres intellectuels et artistes étrangers, Dos, comme on le surnomme, veut soutenir les républicains contre les nationalistes du général Franco. Il vient tourner un film de propagande, Terre d'Espagne, avec son compatriote, l'écrivain Ernest Hemingway. Mais avant de le rejoindre à Madrid, Dos fait escale à Valence pour rencontrer l'écrivain José Robles, son ami d'enfance et son traducteur, qui occupe un poste au ministère de l'Information. Il souhaite qu'il participe lui aussi au tournage du film. Mais Robles n'est pas à la Casa de los Sabios, où les deux hommes avaient rendez-vous. Après avoir longtemps marché, Dos Passos, myope et dégingandé, arrive finalement au domicile de José Robles et de son épouse Margara dans un quartier malfamé de Valence. Après avoir persuadé le concierge récalcitrant de le laisser entrer, Dos monte au dernier étage d'un immeuble sale et humide. Si? ¿Quién es? ¡Qué maravilla! Dos, qu'est-ce que tu fais à Valence? Je suis venu pour voir José. Nous avions rendez-vous. Personne ne te l'a dit. José a été emmené il y a 5 jours. Emmené? Par des franquistes? Non, par des républicains comme nous. Des républicains? Oui. Viens, viens, assieds-toi, assieds-toi. Entre. 4 hommes sont venus l'arrêter en pleine nuit. Leurs bottes dans l'escalier nous ont tous réveillés. En partant, José a promis aux enfants qu'ils seraient vite de retour. C'était il y a 5 jours. Mais de quoi est-il accusé? Je ne sais pas, ils n'ont rien dit. Comment peuvent-ils l'arrêter sans charge? Nous ne sommes pas en Amérique, Dos. Tu n'as aucune idée de ce qu'est l'Espagne aujourd'hui. Il faut qu'on réfléchisse. Peut-être que ça a un lien avec son frère. Il est franquiste, non? Oui, mais ils ne se parlent plus. La guerre les a divisés. Et son travail? Il est encore au ministère de l'Information? Il a été muté au ministère de la Guerre. Mais il ne m'en parle pas beaucoup. Je sais seulement qu'il est le secrétaire d'un général russe. Mais il doit bien y avoir une raison. Ça fait 5 jours et 5 nuits que je me creuse la tête. Allez, on va trinquer à ton arrivée à Valence. On a suivi ton ascension, tu sais. Et ta trilogie américaine. Et ta photo à la une de Time Magazine. Margara? Pardon. Je suis épuisée. Je suis là maintenant. Tu n'es plus seule. Je vais t'aider à retrouver. J'ai des amis haut placés à Madrid. Et puis il y a Hemingway. Il est en Espagne, lui aussi, il nous aidera. Je te ramènerai Rosé, je te le promets. Ne fais pas de promesses que tu ne pourras tenir. Je veux juste savoir s'il est vivant ou mort. Je vais tout faire pour découvrir la vérité. Merci, mon ami. Allez. On va finir ce vin. Qu'est-ce que c'est? Les enfants, ils reviennent de chez la voisine. Eux aussi, la guerre les a bien changés. Arrivé à Madrid, Dos Passos descend de voiture devant l'hôtel Florida. C'est le couvre-feu et la ville est plongée dans l'obscurité. Des rafales de mitrailleuses résonnent depuis les collines qui entourent la ville. Après plusieurs offensives meurtrières, les nationalistes ont renoncé à prendre Madrid. Mais en avril 1937, la ville assiégée est régulièrement bombardée. Dos Passos entre dans l'hôtel Florida, un vrai oasis de confort dans ce pays en guerre. Tout le gratin cosmopolite de la capitale s'y retrouve. Les journalistes étrangers, mais aussi des célébrités et stars de cinéma, de passage pour quelques jours à Madrid, en quête d'émotions fortes. On croise André Malraux, Antoine de Saint-Exupéry, l'acteur Errol Flynn et bien sûr Ernest Hemingway. En arrivant en Espagne, Dos Passos découvre un camp républicain profondément divisé. Avec, d'une part, le chef du gouvernement, Largo Caballero, installé à Valence et soutenu par les partis de gauche et les anarchistes, des militants collectivistes et libertaires, et d'autre part, les communistes espagnols du PCE, proches de l'Union soviétique de Joseph Staline. Dans un coin du lounge, Dos Passos reconnaît Pepe Quintanilla, le frère de son ami Luis. Surnommé le bourreau de Madrid, Quintanilla est le chef de la police secrète, un homme cultivé mais brutal. Pepe Quintanilla. John Dos Passos. Comment va votre frère Luis? Il peint toujours. Et il a toujours été l'artiste de la famille. Tandis que moi, je ne suis qu'un pauvre commissaire général des enquêtes. Vous êtes trop modeste, Quintanilla. J'ai besoin de votre aide. Mon traducteur, José Robles, a disparu. Sa femme dit qu'il a été arrêté par des républicains. Ça ne vient pas de chez nous. Vous êtes sûr? Je le serai. En ce moment, je suis sur une autre affaire. Regardez. C'est une erreur philosophique criminelle. Regardez ce pianiste. On lui donnerait les bons dieux sa confession. Et pourtant, c'est un espion fasciste. Un traître de la cinquième colonne qui envoyait des signaux depuis sa chambre après le couvre-feu. Les signaux venaient peut-être d'une lampe. Dans ce cas, c'est un imbécile. Et c'est encore pire. Hé, el pianista! Un camion! Allez! En voilà un qui ne rejouera pas d'ici tôt. Mais s'il est innocent? Vous êtes un sentimental, Dos Passos. Cet homme est un traître. Je sais les débusquer. Dans quelques jours, on l'aura complètement oublié. Regardez d'ailleurs, sa place est déjà prise. Le bourreau de Madrid, c'est donc vous? Peu importe comment on m'appelle, je défends mon pays. Vous, les Américains, vous croyez que notre guerre est un jeu. Un article, quelques photos, puis vous repartez direction le Mexique ou Capri. Je suis venu pour me battre. Alors, vous êtes un vrai ami de l'Espagne. Le temps presse. Je dois interroger ce fasciste. Pour Robles, regardez du côté des anarchistes. Ils sont devenus incontrôlables. Ils refusent de se soumettre. Se soumettre à qui? Aux communistes, aux Russes, à nous. Faites attention, cher ami. Je ne voudrais pas que vous... que vous perdiez des plumes ici à Madrid. Merci du conseil. L'Espagne me semble plus divisée que jamais. J'ai du mal à reconnaître ce pays. Dos, vous vous souvenez de moi? Mais oui, Josie Herbst, la grande journaliste et romancière. Il ne manquait plus qu'elle. Dos, comme je suis heureuse. Tout à l'heure, j'ai croisé Virginia Coles et Robert Egarda Capa. C'est vraiment the place to be. Heureux de vous revoir, Josie. Pour quel journal travaillez-vous? Oh, un peu de tout. Freelance, sans attache. Vous avez vu le pianiste? Quand je pense que celui qui nous jouait du Fats Waller tous les soirs était en fait un espion de la cinquième colonne... Il faut que je vous laisse. Je dois trouver Hemingway. Quatrième étage, chambre 108. Enfin, c'est plutôt une suite. D'après ce qu'on dit, il y est souvent en charmante compagnie. En 1937, Ernest Hemingway est au fait de sa gloire, autant connu pour ses romans et essais sur la tauromachie que pour ses colères et son train de vie. Mais Hemingway est en panne d'inspiration. La guerre d'Espagne est donc pour lui un moyen de se réinventer et de vivre au grand jour, loin de sa deuxième épouse, Pauline, sa passion pour Martha Gellhorn, la grande journaliste de guerre. Farouchement pro-soviétique, Martha Gellhorn a achevé la conversion de Hemingway au communisme, lui, l'individualiste apolitique. En 1937, la guerre d'Espagne a pris une dimension internationale. Tandis que les États-Unis et les démocraties européennes refusent d'intervenir, l'URSS de Staline soutient discrètement les républicains par le biais du Comintern en envoyant du matériel militaire et surtout des conseillers stratégiques. Je ne te laisserai pas me traiter comme ça, je t'ai pas attendu pour écrire, je suis journaliste. Ouais, journaliste pour le magazine Colliers, spécialiste des fourrures et des sacs à main. Dos Passos, quel bonheur! Heureux de te voir aussi, Martha. C'est bon, vieux Dos. Alors, finalement, t'as eu les couilles de venir? Attention, sur ta droite, allez! Hop, hypercute! Attention, mes lunettes! Hé, hey, alors, qu'est-ce que tu nous amènes comme boostify? J'ai pas eu le temps d'y penser. Alors, on manque de tout ici et t'amènes rien. Martha, il a amené que dalle! On aurait dû s'en douter! Je vais avoir besoin de ton aide. Il nous fait manger dans la cantine la plus immonde de Madrid. Heureusement, il y a de quoi boire. Service de chambre. Apportez-moi une bouteille de Jerez. Là, j'en ai commandé une tout à l'heure, alors une autre. On est au courant pour ton professeur, Dos. Il paraît qu'à Valence, t'as dérangé tout le monde avec tes questions. Mes questions? Ouais. T'as pas intérêt à continuer ton manège à Madrid. On s'est construit un réseau ici, à mémoire. On est au mieux avec la police et les soviétiques. On a les informations de première main, tu vas pas venir tout foutre en l'air. Entrez! Mettez ça sur la table. M, j'ai questionné Pepe Quintanilla à propos de Robles. Je suis sûr que ce type ment. Ah, Quintanilla, il est à moi, celui-là. Hein. Vous me le laissez. M écrit une pièce de théâtre sur lui. J'ai l'impression qu'il est cul et chemise avec les Russes. Et quel mal y a à ça? S'il n'y avait pas le camarade Staline, Franco boirait du chin-chin sur la Grand Via à l'heure qu'il est. quoi tu joues, Dos? T'as pas vu qu'il y avait le serveur? T'imagines s'il balance toute la conversation à Quintanilla? Ou pire, si c'est un espion de la cinquième colonne? En parlant de la cinquième colonne, peut-être que Robles les a rejoints lui aussi. Robles est la droiture même. Ça expliquerait sa disparition, non? C'est impossible. M, j'ai besoin de toi. Peux-tu m'aider à le retrouver? Allez, assez parlé de tout ça. On n'a même pas encore parlé du film. Vous avez commencé à tourner? On est allé plusieurs fois sur le front, on a pas mal de belles images. Il y a une commune socialiste pas loin que j'aimerais visiter. Une commune socialiste? Peut-être ses idées. Non mais, faut de l'action, faut des combats. Hein. Allez, on trinque. Tu m'aideras à trouver Robles? Ouais, je t'aiderai, ouais. Et maintenant, on boit. Allez, aux batailles et à l'amitié. Ce 22 avril 1937, l'hôtel Florida est bombardé depuis les collines qui environnent Madrid. Réveillé au petit matin, John Dos Passos garde son sang-froid. Il se rase, puis prend un bain. En bas, Dos retrouve les invités qui, épouvantés, sont descendus dans le lounge. Josie Herbst prépare du café, tandis qu'un Français élégant en robe de chambre distribue des pamplemousses qu'il a apportées d'Alger. C'est Antoine de Saint-Exupéry. L'ambiance est irréelle. Dans la matinée, les bombardements cessent. Dos Passos sort de l'hôtel. Des enfants jouent parmi les gravats provenant des immeubles touchés. Certaines façades d'immeubles sont complètement détruites. Des visiteurs britanniques cherchent dans les décombres des morceaux d'obus à rapporter chez eux en guise de souvenir. De l'autre côté de la rue, Dos Passos remarque un homme qui l'observe fixement. C'est le même homme qu'à la Calle Fonseca. Il m'a suivi de Valence à Madrid. Il faut que j'en aie le cœur net. Et vous, là-bas? Oui, vous! Il tourne les talons. Et vous, là-bas? Revenez! Il essaie de me semer. Cette ruelle conduit jusqu'à la Plaza Mayor. Qui êtes-vous? Pourquoi vous me suivez? Qu'est-ce que vous faites? Chez moi! Je suis américain, moi aussi. Mais ça, c'est quoi? Il est armé? Rendez-moi ça. C'est pour me défendre. Vous défendre de quoi? Un mois ici, vous ferez pareil. Dites-moi pourquoi vous me suivez. Je ne suis qu'un pauvre employé de bureau. À d'autres. Pourquoi vous me surveillez? Pas ici. Vous voulez ma mort? Ils sont peut-être là, déjà, en train de nous épier. Qui? Les Russes. Vous travaillez pas avec eux? C'est pour ça que je vous suis. J'ai besoin d'un allié. Et si vous m'expliquez? Il n'y a personne. Tenez. Merci. Je suis Liston Hawke. Je travaille au ministère de l'Information, en charge de la propagande en direction des États-Unis et de l'Angleterre. Autrement dit, un stalinien convaincu. Ex-stalinien convaincu. Avant de venir ici, j'étais en poste en Union soviétique. C'était mon rêve. Mais j'ai vite déchanté. J'ai vu le pire. Les purges. Les procès bidonnés. Quand j'ai compris ce que les staliniens faisaient au communisme, au vrai communisme, j'ai demandé à être muté ici. Pour la glorieuse révolution? Pour une république démocratique et sociale. Mais petit à petit, j'ai compris que ça devenait pareil qu'en Russie. Les exécutions, la police secrète. Et maintenant? Il se trame quelque chose de terrible. Qu'est-ce que c'est? Juste une moto. Je vous en ai déjà trop dit. Rendez-moi mon pistolet. Je vous contacterai. Si je suis encore en vie. Un instant. Et Robles? Savez-vous ce qui lui est arrivé? Arrêté par les communistes. Quintanilla dit le contraire. Quintanilla ment. Il est vivant ou mort? Demandez à votre ami Ernest Hemingway. Lui, il sait. Hemingway? Il m'a pourtant juré qu'il ne savait rien. À l'hôtel Florida, Dos Passos apprend que Hemingway est parti visiter le front à Guadalajara, à proximité de Madrid, accompagné du réalisateur néerlandais Joris Ivens. Très impliqués tous les deux dans l'élaboration du film, les deux écrivains américains sont en désaccord sur ce qu'il doit montrer. Alors que Dos Passos veut montrer les progrès sociaux sous la Deuxième République, Hemingway pense qu'il faut se focaliser sur la menace fasciste. Selon lui, c'est la meilleure manière de persuader les démocraties d'intervenir. Le lendemain, dans un ancien château royal à une quarantaine de minutes de Madrid, une réception est donnée pour célébrer la nationalisation de la 15e brigade internationale qui la place sous les ordres de l'armée républicaine. Les résidents de l'hôtel Florida y sont conviés. Aux abords du château, les visiteurs croisent des soldats français, belges ou italiens. De 1936 à 1938, entre 32 000 et 35 000 volontaires antifascistes se sont battus aux côtés des républicains, provenant de tous les pays, surtout d'Italie et de France. Alors qu'ils passent la porte du château, Dos Passos aperçoit de loin Ernest Hemingway en grande discussion avec des généraux russes et Josie Herbst qui arrive derrière lui. Dos, vous voilà. J'ai perdu mon accréditation officielle. J'ai cru que le garde ne me laisserait jamais entrer. Vous voulez interviewer un général russe, Josie ? Vous aurez l'embarras du choix ce soir. On vient se battre en Espagne et on se retrouve en Union soviétique. Heureusement que les Russes sont là. S'il n'y avait pas Staline, le général Franco... Je serais en train de boire le café à Madrid à l'heure qu'il est, je sais. Et on n'en serait pas là si les États-Unis faisaient leur part du boulot. Mais tout ça, cette fête, cette mascarade... Moi, je trouve que c'est plutôt réussi. Mais ouvrez les yeux ! C'est de la propagande, tout ça. Une manière pour les Russes de continuer à contrôler les brigades internationales. Ouais, et puis je sais pas pourquoi je me fatigue à vous expliquer tout ça. Je n'ai pas besoin qu'on me l'explique, merci. Je suis journaliste, moi aussi. Oui, désolé, Josie. Je ne suis pas dupe, Dos. Je sais, personne ne me prend au sérieux au Florida. Mais moi aussi, je suis allée sur le front. À Haram. Pendant l'offensive ? Juste après. J'ai passé 3 jours avec les soldats. Vous ne me croirez pas, mais depuis que je suis arrivée en Espagne, c'est la première fois que je me suis sentie en sécurité. Contrairement à ici, sur le front, on sait exactement à quel moment on risque sa vie. Je comprends. Vous vous êtes sentie vivante? Oui. Au fait, je suis désolée pour votre ami. Hemingway m'en a parlé dans la voiture. Quoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Eh bien, qu'il a été... Qu'il a été quoi? Qu'il a été exécuté, sans procès. Il a dit que vous étiez au courant, vous ne l'êtes pas? Non. Vous savez pourquoi ils l'ont tué? On dit que c'était un traître, Dos. Il faisait partie de la 5e colonne. Mensonge. Je suis désolée. José est mort. Pour beaucoup de gens ici, c'est devenu presque banal, une mort de plus. Je dois comprendre ce qui s'est passé. Regardez, une invitée surprise. On dirait Pastora Imperio, la danseuse. Pastora Imperio. Je l'ai vue à 19 ans. Toujours magnifique. C'est comme un cauchemar réveillé. Tout se mélange. Le passé et le présent. La beauté et l'horreur. En reprenant la route pour Madrid, Dos Passos insiste auprès de Joris Ivens, le réalisateur de Terre d'Espagne, pour s'arrêter à Fuentidueña, une coopérative agricole, vitrine du socialisme en Espagne. Là, Dos Passos discute avec les paysans, s'intéresse à leur mode de vie et au système d'irrigation qu'ils ont mis au point. Plus tard, pendant la visite, Hemingway et Dos Passos se retrouvent seuls à l'écart des autres visiteurs. Hemingway s'ennuie. Ici, personne ne se bat, alors ça n'intéresse pas. Dos Passos, je t'avais pas vu. T'es au courant depuis combien de temps? Pour Robles? Oh, une semaine ou deux. Tu ne me l'as pas dit. Merde, on n'est pas chez les Boy Scouts, on se bat pour un pays, pour l'avenir d'un peuple, pas pour un traître de la 5e colonne, un sale fasciste qui renseignait l'ennemi. T'as fini par croire à leurs mensonges, toi aussi. Je crois à ceux qui font le boulot, à ceux qui n'ont pas peur de se salir les mains. Merde, Dos, pendant des années, t'as été plus socialiste que moi. Le stalinisme n'a rien à voir avec le socialisme auquel je crois. Toutes ces grandes phrases, Dos. Pourquoi t'avoues pas que t'as les chocottes? Hein, quand le Florida a été bombardé, t'es resté barricadé dans ta chambre. Tu fais tout pour éviter d'aller au front. Martha et moi, on a bien vu. Je suis venu pour filmer les gens, pas pour jouer à la guerre. Pauvre Dos. Ah, ces dernières années ont pas été faciles pour toi, hein? Tes problèmes d'argent, il faut bien le dire, tes idées sont un peu asséchées. Tu ferais peut-être mieux de rentrer à la maison, hein? Rejoindre Cathy. Pas avant de savoir la vérité. J'ai besoin de comprendre ce qui se trame ici. T'as toujours pas compris? Il y a les fascistes et les républicains. Et toi, t'es de quel côté? Comment oses-tu me le demander? Depuis combien de temps on se connaît? J'ai toujours admiré ta force. Ta ténacité, quand tu t'es porté volontaire pendant la Première Guerre mondiale, quand t'as défendu Sacco et Vanzetti. Et c'est la seule raison pour laquelle je te laisse partir sans te démolir la gueule. On est avec ou contre vous, c'est ça? Ouais. Alors je me débrouillerai seul. Fais gaffe où tu mets les pieds. L'Espagne n'est pas un pays sûr pour les amis des espions fascistes. Du Quintanilla dans le texte. C'est une menace? Juste un conseil. Le 26 avril 1937, quatre escadrilles de l'aviation allemande venues soutenir Franco bombardent la ville de Guernica. 1545 personnes sont tuées, uniquement des civils. Le même jour, Dos Passos arrive à Barcelone, où il croise l'anglais George Orwell, le futur auteur de 1984. Installé à l'hôtel Continental, Dos est frappé par l'atmosphère menaçante de la ville. Fief du PUM, un parti ouvrier marxiste mais anti-stalinien, la Catalogne a longtemps été un laboratoire révolutionnaire et collectiviste. À présent, les habitants craignent une guerre ouverte entre le PUM et les communistes. De peur d'une attaque, chaque camp constitue des dépôts d'armes et de munitions. Réveillé pendant la nuit, Dos Passos aperçoit un homme qui se tient à côté de son lit. Que me voulez-vous? Moins fort. Vous allez réveiller tout l'hôtel. Liston? C'est vous? Comment êtes-vous entré? Vous avez oublié de fermer la clé? Je suis en train de mourir, Dos Passos. Vous êtes blessé? Dans la tête, dans l'âme. Je ne peux plus rester en Espagne. Pas avec ce qui va se passer. À Madrid? Non, ici, à Barcelone. Ça va être un massacre entre républicains. D'ici à quelques jours, les soviétiques vont lancer une série de provocations contre le PUM. Les milices vont riposter et les staliniens vont les écraser dans un bain de sang. J'en ai discuté avec Andrés Nin, le chef du PUM. Avec Nin? Vous? Un agent soviétique? Je fais défection, Dos Passos. Je suis autant un agent soviétique que vous. Il faut que vous m'aidiez à quitter l'Espagne. C'est pas si simple. Alors descendez-moi tout de suite. Le NKVD s'économisera une balle. Rangez ça. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Mais d'abord, il faut que nous parlions de Robles. Je sais comment il est mort. Comment le savez-vous? Grâce à ce que vous venez de me dire. Cigarette? Merci. Pour moi, c'est clair. Robles a découvert ce que les staliniens préparaient à Barcelone. C'était un homme intègre, un républicain convaincu. Il a décidé d'alerter la presse, mais le NKVD l'a assassiné avant. Oui, peut-être. Vous avez l'air dubitatif. Je ne crois plus aux héros. J'ai passé trop de temps à Moscou. Alors, à votre avis, que s'est-il passé? Ce n'est qu'une hypothèse, hein. Et ça va vous décevoir. Allez-y. Dégâts collatéraux. Votre ami était au mauvais endroit, au mauvais moment. Que voulez-vous dire? Robles travaillait au ministère de la guerre. C'était le secrétaire particulier d'un russe, le général Goref. Pour les Espagnols, Goref était le sauveur de Madrid. Mais il prenait trop d'importance. Staline l'a eu dans le collimateur. Tuer Robles était une manière d'atteindre Goref. Et le faire passer pour un traître, c'était encore mieux. Oui. Oui, vous êtes déçu, je vous l'avais dit. Vous avez raison. Je préfère de loin l'inversion, mais je pense que c'est celle-là la plus probable. Un jour, on découvrira peut-être la vérité. Ça commence. Il faut partir. Vous allez m'aider? Oui. Mon travail en Espagne est terminé. Venez. Et si le NKVD attend dehors? À partir de maintenant, vous êtes mon secrétaire particulier. Avec moi, vous ne risquez rien. Après tout, je suis une célébrité, un ami de l'Espagne. Les soviétiques n'oseront jamais s'attaquer à nous. On y va. Le 3 mai 1937, à Barcelone, les communistes espagnols et leurs alliés soviétiques s'emparent du central téléphonique. Y voyant une provocation, les anarchistes et les combattants du PUM ouvrent le feu. Dans les rues de Barcelone, les fusillades commencent. La Catalogne va sombrer dans la terreur. Le 7 mai, des groupes d'assaut du gouvernement venant de Madrid et de Valence désarment les miliciens anarchistes et ceux du PUM. les rues retrouvent leur calme. La presse compte 500 morts et des milliers de blessés. Les communistes staliniens consolident leur mainmise sur le camp républicain. Début mai, Dos Passos passe la frontière sans encombre avec Liston Oak. Il retrouve son épouse Cathy à Paris. Le 11 mai 1937, Dos Passos part avec elle pour Le Havre, où ils doivent s'embarquer pour les États-Unis. Avant le départ du train à la gare Saint-Lazare, Dos aperçoit Hemingway sur le quai. Dos ! Em ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je viens de dire au revoir, Dos Passos. Mais d'abord, je veux savoir si tu vas parler de ce que tu as découvert sur Robles. Pour l'instant, je mets de l'ordre dans mes idées. Tu vois, je me demande sans cesse à quoi ça sert de se battre pour la liberté si on la perd en cours de route. Tu m'emmerdes avec ta liberté. Je dirai ce qui doit être dit. Peut-être que je l'écrirai. Tu fais ça et t'es fini. Une balle dans la tête, M ? Pire, la critique. Elle te massacrera. J'y veillerai. Ça m'est égal que la critique aime ou non mes livres. Et j'ai pas l'intention de me battre avec toi. Je déteste la guerre sous toutes ses formes. Tu sais ce qui m'a fait le plus mal, Hemingway ? C'est ton attitude. Le peu de cas que tu fais de la vie d'un homme. La guerre d'Espagne n'est pas un sport. Comment oses-tu ? Au revoir, Hemingway ! John Dos Passos et Cathy rentrent aux États-Unis. En juin 1937, on projette au Carnegie Hall de New York le documentaire de Joris Evans intitulé « Terre d'Espagne ». À la fin de la projection, Ernest Hemingway prononce un discours triomphal. Écarté du projet, Dos Passos n'assiste pas à la projection. Le 18 mai 1937 à Valence, les communistes forcent le Premier ministre Largo Caballero à se retirer. Il est remplacé par Juan Negrín. Profitant des luttes fratricides du camp républicain, les nationalistes lancent des offensives dans les grandes villes et entrent dans Madrid le 28 mars 1939. C'est la fin de la guerre civile. Pendant des années, Dos Passos et Hemingway s'affrontent à propos de la guerre d'Espagne par articles et romans interposés. Hemingway publie en 1940 « Pour qui sonne le glas », tandis que les livres de Dos Passos sont mal reçus par la critique. En 1940, Hemingway épouse Martha Gellhorn, qui continue d'écrire des articles à succès. Elle est la seule femme à participer au débarquement de Normandie avec les troupes américaines. Le couple se sépare en 1945. Dans les années 50, Dos Passos glisse à droite, soutenant le maccartisme, puis l'intervention américaine au Vietnam. Il ne se réconciliera jamais avec Hemingway. Chère Margara, la guerre civile est finie maintenant, mais c'est le début d'une autre guerre plus terrible encore. Je ne sais pas quand nous nous reverrons. À présent, tu sais que José est mort. Tu ne dois pas croire les mensonges qu'on a dit sur lui. J'espère qu'un jour on retrouvera son corps. Et qu'au moins on te remettra un acte de décès. Jusqu'au bout, j'imaginerai la mort de José. Conduit au petit matin devant le peloton d'exécution sans autre forme de procès. J'aimerais pouvoir te dire qu'il est mort pour les idées qu'il chérissait, la liberté, le progrès, la République. En réalité, malgré tous mes efforts, j'ignore encore aujourd'hui avec précision pourquoi José Robles a été assassiné. Dos Passos, un écrivain américain dans la guerre d'Espagne, de Taddy McNamara, avec John Dos Passos, Nicolas Racca, Ernest Hemingway, Clément Bresson, Martha Gellhorn, Andrea Brusque, Liston Oak, Emmanuel Matt, Pepe Quintanilla, Enrique Fiestas, Josie Herbst, Raphaël Bouchard, Margara, Ruth Olaizola. Et les voix de Romain Francisco, Manuel Uloa, Sol Alforte, Stanislas Dorochenkov, Pia Lagrange, Eugénie Pouillot, Samuel Roger et Armel Dumoulin. Bruitage, Sophie Bissans, prise de son montage et mixage, Pierrick Charles et Élise Leu, assistante à la réalisation, Aurélie Miermont, réalisation, Juliette Eman. Écoutez France Inter, autant n'importe l'histoire, on reprend dans quelques minutes la discussion sur Dos Passos et la guerre d'Espagne avec mon invité Alice Béja. par la femme sur France Inter. Autant d'emporte l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Anne-Laure Cochet. Alice Béja, on vient d'entendre une histoire de guerre, de littérature et d'amitié et de trahison. Terrible histoire. D'abord, est-ce qu'on sait exactement ce qui est arrivé à Rosé Robles ? Aujourd'hui, on n'en est toujours pas certain. Hein, donc, ce qui a été dit dans la fiction que l'on vient d'entendre repose sur une nouvelle hypothèse, enfin relativement nouvelle, qui a été mise en avant par Stephen Corr dans un livre il y a une quinzaine d'années, qui était de dire donc qu'à travers Robles, c'était en fait quelqu'un d'autre qui était visé dans le cadre des luttes intestines au sein des communistes en Espagne. Mais en tout cas, il a été tué par les hommes de main de Staline en Espagne. Ça a l'air d'être tout de même relativement attesté, oui. Est-ce qu'on peut dire que la guerre d'Espagne, Alice Béja, était un point de bascule dans la vie, dans la conscience de Dos Passos ? Oui, et ce, à bien des égards. Tout d'abord politique, puisque à la suite de la guerre d'Espagne, Dos Passos va prendre ses distances non seulement avec les communistes, mais assez rapidement, en fait, avec la gauche dans son ensemble, et donc va passer sur des positions beaucoup plus... libéral ou disons proche du centre droit américain pour ensuite dériver encore plus vers la droite. Donc une rupture politique, une rupture littéraire également, puisque ce style très expérimental qu'il a pratiqué pendant les années 20 et la première moitié des années 30, il va l'abandonner, notamment dans son roman Aventure d'un jeune homme qui porte sur la guerre d'Espagne et qu'il publie en 39, et qui là est une narration beaucoup plus traditionnelle, disons avec un protagoniste dont on suit l'histoire. La troisième rupture, et je terminerai là-dessus, est une rupture que l'on pourrait qualifier de géographique. C'est-à-dire qu'en 1939 également, Dos Passos publie un article dans une revue conservatrice qui s'intitule « L'adieu à l'Europe ». Et en vérité, cette guerre d'Espagne va l'amener à abandonner une relation à l'Europe qu'il avait construite après la Première Guerre mondiale et qui lui avait fait voir dans l'Europe une ressource aussi bien politique que artistique. Et bien, à partir de la fin des années 30, en fait, il revient aux États-Unis à bien des égards, aussi bien sur le plan matériel et géographique que sur le plan politique, puisqu'il va commencer à dire que les États-Unis sont la seule vraie démocratie et l'incarnation des idéaux de liberté, et que, pour résumer, il n'est pas nécessaire de chercher ailleurs des idéaux qui fleurissent sur le sol américain. Pour en revenir à Alice Béja, à l'expérience espagnole et à sa relation avec Imi Mouet, je vous propose d'écouter un extrait du film Terre d'Espagne de Joris Ivens, le film auquel ont participé Hemingway et Dos Passos. This Spanish earth is dry and hard, and the faces of the men who work that earth are hard and dried from the sun. This worthless land with water will yield much. For 50 years we've wanted to irrigate, but they held us back. Now we will bring water to it to raise food for the defenders of Madrid. La terre d'Espagne est dure et sèche, et les visages des hommes qui la travaillent sont secs et durs sous l'effet du soleil. C'est donc le début, le tout début du film Terre d'Espagne de Joris Ivens, écrit par Hemingway et Dos Passos, et on entend la voix d'Hemingway lui-même. Dos Passos a commencé à travailler sur ce scénario et finalement il l'a abandonné, ou est-ce que c'est les autres qui l'ont lâché? Quel était le but de ce film de propagande, Alice Béja? L'objectif était en fait donc dans le contexte de l'internationalisation de la guerre d'Espagne et donc d'une lutte de propagande pour faire savoir ce qui se passait en Espagne, était donc de montrer cette guerre, de montrer le peuple espagnol. Mais là aussi, on voit bien d'ailleurs également dans la fiction le fait que les objectifs des personnes qui y participaient étaient différents. Hein. C'était Dos Passos avait contribué à créer une organisation qui s'appelait les Historiens historien contemporain pour produire ce documentaire, mais pour lui, il s'agissait avant tout de montrer le peuple espagnol, là où Hemingway avait beaucoup plus à cœur de faire voir les combats. Oui, quand on pense guerre d'Espagne, écrivain américain engagé, on pense tout de suite à Ernest Hemingway avec son roman Pour qui sonne le glas, pas tellement à Dos Passos. Et pourtant, dans cette histoire, Hemingway apparaît un peu comme celui qui est intéressé tardivement par la politique. Et puis, il apparaît aussi pas très sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il se moque de l'humanisme de Dos Passos, il a l'air très cynique. Est-ce que ce portrait vous semble fidèle à la réalité, Alice Béja ? Toujours un peu compliqué de juger, mais il est vrai que leur approche était très différente, effectivement. Et d'ailleurs, on l'entend, enfin, à travers la fiction dans la voix d'Hemingway, hein, l'engagement de Dos Passos, c'était bien plus ancien et bien plus profond. Hemingway est dans une logique d'efficacité ou d'une prise de position qui consiste à dire que l'objectif étant de battre les fascistes, tous les moyens sont bons, en un sens la fin justifie les moyens, et que donc les divisions dans le camp républicain ne sauraient persister puisque in fine elles desservent la cause qui est celle de la lutte contre le fascisme. Là où Dos Passos a une position qu'on pourrait qualifier de plus nuancée, qui est de dire qu'il y a certaines valeurs fondamentales que l'on ne peut pas sacrifier, même au nom d'une victoire du camp républicain sur le camp nationaliste. À propos de l'amitié de Dos Passos et d'Hemingway, je vous propose d'écouter Dos Passos lui-même évoquer en 1969 les raisons de sa rupture avec Hemingway. C'était au temps de la guerre civile en Espagne. Et pendant la guerre civile, je trouvais qu'il était très... il est presque tombé dans la piège communiste, parce que les communistes étaient en train d'infiltrer la République. Et personne ne voulait admettre que ça existait. Mais moi, je connaissais l'Espagne, je connaissais les Espagnols, je connaissais les gens qui ont tué. Ils ont tué un de mes meilleurs amis à cette époque. C'est un peu triste que des idées politiques puissent séparer des vieux amis comme vous. Oui, ça arrive toujours. C'est dommage, non ? C'est bien dommage, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Non, c'est vraiment pénible, mais ça. Et il arrive toujours, quelquefois, avec des gens qui changent leur idée politique et on peut. Garder des rapports avec eux. Mais avec les communistes, c'est très difficile. Mais il n'a jamais été communiste, quand même. Oh non, pas pour un moment, mais il était influencé par... et sa femme, Martha Gellhorn, était très arriviste. John Dos Passos, donc interviewé en 1969 par Hubert Knapp, une interview qui est extraite d'un DVD sur Dos Passos aux éditions Montparnasse. Étonnant cette petite phrase assassine sur Martha Gellhorn, Alice Béja, ce serait peut-être elle qui aurait été décisive dans leur inimitié, dans la cassure de leur amitié. Oui, alors ça, je pense que c'est vraiment une interprétation, disons, trop facilement oui, misogyne, oui. Surtout quand on connaît un peu la longue histoire de l'amitié entre Dos Passos et Hemingway, et aussi de leur rivalité. Voilà, Martha Gellhorn n'était pas nécessaire, je pense, pour que cette rupture ait lieu. Je voudrais revenir sur simplement quelque chose que Dos Passos dit dans cette interview, sur sa connaissance de l'Espagne oui. et de l'espagnol, oui. puisque là aussi, en fait, il y avait à la fois un lieu d'amitié fort hein, entre Hemingway et Dos Passos, mais aussi un champ de rivalité. C'est-à-dire que Dos Passos va en Espagne pour la première fois en 1916, hein, et puis il apprend l'espagnol, il lit les auteurs espagnols, il est vraiment baigné dans cette culture, et tout au long de sa vie, il va garder un attachement particulier à l'Espagne. Et donc sur ce terrain aussi, il va y avoir une forme de rivalité avec Hemingway dans un amour de l'Espagne qui n'est pas du tout fondé sur les mêmes choses. Hein. Par exemple... Si on pense à la corrida, à laquelle on associe sans doute instinctivement Hemingway... C'est un peu la carte postale, quoi. Hein. Voilà, exactement. Dos Passos était beaucoup moins fasciné par cette dimension un petit peu de ritualisation de la violence que ne l'était Hemingway. Et il maintient tout au long de sa vie cette image dont Hemingway se moque un petit peu, comme on l'a entendu dans la fiction, plus intellectuelle, qui entre, disons, en... en conflit avec l'image qu'Hemingway voulait donner de lui-même, hein, d'anti-intellectualisme, d'homme proche de la nature. Il y a un côté aussi viril, une espèce de rivalité virile entre les deux. Hemingway se présente un peu comme un homme plus viril, quoi. Tout à fait, et il en joue, et Dos Passos c'était quelqu'un qui avait par ailleurs une santé relativement fragile à certains moments de sa vie. Il a aussi été à des moments dans une dépendance financière vis-à-vis d'Hemingway qui lui prêtait de l'argent. Donc disons que c'est une relation qui est complexe bien avant la rupture. Voilà, donc cette rupture arrive, mais dans une relation qui est forte, hein, qui est profonde, mais qui est loin d'être harmonieuse. Merci Alice Béja, vous êtes l'autrice de « Des mots pour se battre ». John Dos Passos, la littérature et la politique, paru chez Honoré Champion en 2015. Et je signale également Adieu à l'amitié Hemingway, Dos Passos et la guerre d'Espagne de Stephen Corr, édité chez Grasset, vous en parliez. Qu'est-ce qu'il faut lire de Dos Passos, Alice Béja? Moi, je conseillerais avant tout, même si c'est un très gros livre, la trilogie USA. Et donc, les romans de Dos Passos sont disponibles, ça tombe bien, chez Gallimard en collection Folio. C'est la fin pour ce soir de Temps n'importe l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site franceinter.fr. J'attends avec impatience vos commentaires sur le site ou sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, changement complet d'ambiance. Nous partirons au siècle de Louis XIV, lorsqu'en 1679 éclata l'affaire des poisons. On découvrait un incroyable trafic d'arsenic sur fond de messe noire, une affaire criminelle qui n'épargna aucune classe sociale, pas même la noblesse, pas même la cour de Versailles. Louis XIV et l'affaire des poisons, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.